Hu Ryongji, habitante de la 115e subdivision communale du chef-lieu de l'arrondissement de Zhonghuan de la province du Fang et du Nord, a salué son centenaire. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a fait fêter son anniversaire.